Chapitre 3e, le voile qui dévoile. Le lendemain matin, Karim sort de chez lui, descend l'escalier et s'engage dans le couloir, éclairé par une raie de soleil. Pour une fois, l'endroit ne dégage pas l'habituelle puanteur, la femme de ménage l'ayant lavé à grande eau juste le matin tôt. En passant devant la petite fenêtre de l'appartement du rez-de-chaussée, Karim constate l'immobilité du rideau noir. Tout a l'air normal. Karim s'en tranquillise. En réalité, par un tout petit trou, un œil est grand ouvert. Il suit le passage de Karim. Quand celui-ci franchit le portail de l'immeuble, une paire d'yeux continue à l'observer, d'une autre fenêtre de l'appartement, également derrière un rideau sombre comportant un petit trou. La fenêtre donne sur la petite place. Karim, ne remarquant rien, s'éloigne de l'immeuble d'un pas calme. Très peu de temps après, une femme, le corps caché sous un long voile noir, marche derrière Karim, discrètement, à une certaine distance. Sur la place, Karim passe près du café chez les amis. Il note la présence de Sylaphide. Il est assis à une table mise sur le trottoir du bar, devant un verre d'eau. Karim se dirige vers son ami. Aussitôt, la femme qui le suit s'arrête devant un petit magasin de vêtements féminins proche du bar. Elle semble intéressée par les objets exposés dans la vitrine. Karim s'attable près de Sylaphide. De temps à autre, la femme voilée jette un coup d'œil très discret vers les deux hommes. Ces derniers, engagés dans une discussion, ne s'en rendent pas compte. D'une manière toujours apparemment normale, la femme s'éloigne du magasin et s'approche d'un autre. Il est tout près de la terrasse où sont attablés les deux hommes. La nouvelle boutique présente une vitrine d'articles divers. La femme voilée les regarde, mais elle est assez proche des deux hommes au point d'entendre leur conversation. « Je suis en train de finir de lire le dernier livre que tu m'as prêté. » dit Karim avec une grande satisfaction. « Très intéressant. »« J'en suis heureux, » répond Sylaphide. « Dans le livre, qu'est-ce qui te plaît le plus ?»« La sincérité des travailleurs, leur intelligence, leur courage, leur solidarité, leur capacité créatrice. Ils ne se laissent pas embobiner par les soi-disant amis, les intellectuels savants, les bureaucrates bornés et les prétendus chefs infaillibles. » Sylaphide a un profond soupir de désolation. « Pourquoi ce soupir ?» demande Karim avec délicatesse. Quelques secondes passent. Ensuite, Sylaphide explique. « Je ne parviens pas à comprendre comment les partisans de l'ordre social le plus authentique n'ont réussi nulle part à maintenir son existence et à la généraliser. Il est vrai qu'il a fallu tant de siècles avant d'abattre l'esclavagisme puis le féodalisme. Le capitalisme, lui, n'existe que depuis 3 siècles environ. Il faut encore du temps et malheureusement, beaucoup de souffrance et de lutte pour s'en débarrasser, en le remplaçant par quelque chose de mieux pour l'humanité. Le vieil homme saisit son verre d'eau, en boit quelques gorgées. Alors ses yeux remarquent par hasard la femme voilée. Elle est encore immobile devant la vitrine du magasin tout près de la table où sont assis les deux amis. Aussitôt, Sylaphide, très discrètement, pose doucement sa main sur celle de Karim. Ce dernier le regarde un peu surpris. L'autre esquisse un sourire, puis sort de la poche de sa veste un petit livre. À l'intérieur, entre les pages, se trouve un crayon. Sylaphide le prend, ouvre la première page et écrit rapidement « Ne te retourne pas, les voiles noires de femmes ont des yeux et des oreilles. » Karim n'a pas le temps de réagir à cause de la sonnerie de son portable. Il le prend et écoute. « D'accord, maman, j'arrive. » La communication terminée, il s'adresse à son ami. « Ma mère a besoin de moi. Passe-lui le bonjour de ma part. Avec plaisir. » En s'en allant, Karim tourne discrètement le visage. Il remarque la femme voilée en noir s'éloigner d'un pas calme. Karim en demeure inquiet.